Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Voici donc une raison de vous empêcher de procrastiner, puisqu'on le fait pour vous. Voici. Et maintenant, voici les tops de l'insolite. Deuxième version des tops de l'insolite ce matin, maintenant, qui touche les cinq rituels de mariage vraiment bizarres. Et là, j'utiliserai pas les mots crus que crack.com nous donne pour expliquer un peu. C'est vraiment n'importe quoi des fois, là, mais vous allez voir. Plus ça va aller, plus ça va être fou. Mais bref, on débute avec les Spartiates. Et oui, donc ceux qui ont vu le film 300 considèrent les Spartiates comme vraiment des hommes vraiment là, musclés et tout. Mais c'était des hommes qui avaient tendance à s'aimer beaucoup entre eux. Je sais pas si vous... Il n'y a rien de mal contre ça. Vraiment rien de mal. Hein? On n'a pas d'argument contre. Ça n'a pas rapport. Mais bref, ce qu'on dit, c'est que les femmes spartiates avaient comme habitude, avant leur mariage, de se raser les cheveux totalement. Donc, étaient chauves lors du mariage. Pourquoi? Eh bien, parce que, selon les historiens, ça aidait les spartiates à donc apprivoiser leur hétérosexualité. Et on parle des mœurs spartiates qui étaient très axées sur l'homosexualité, entre autres, chose qui n'est pas mauvais. Au contraire, on ne dit pas que c'est mauvais. Du tout. Mais ce qu'on veut dire, donc, c'est que, bien sûr, il fallait procréer pour avoir des enfants. Et donc, pour intéresser les hommes aux femmes, une des raisons qui était mise de l'avant, et une des façons, en fait, qui était mise de l'avant, c'était de raser le crâne totalement des femmes pour inciter les hommes à, salut, ça va, est-ce que tu restes chez tes parents? Et ça a fonctionné quand même. Et généralement, les hommes spartiates vivaient ensemble dans des baraques. Donc, c'est ce qui pouvait aider un peu la proximité. Donc, ils vivaient ensemble jusqu'à l'âge de 30 ans. Et habituellement, l'âge de mariage général était de 25 ans. C'est quand même relativement tard pour les spartiates en général. Mais bref, non pas les spartiates, mais à cette époque-là, on parle de Grèce, bien sûr, en général. Et donc, voilà pour le rituel spartiate. Hein, donc, c'est assez spécial. Et même, on doit dire que parfois, on hypothèse dans le milieu historique. Tout est hypothèse, surtout lorsqu'on parle de la Grèce antique. On dit aussi que les femmes pouvaient porter certains vêtements masculins pour essayer d'attirer le plus possible leur homme. Des choses sont possibles. Mais comme on dit, il n'y a rien de mal à ce que les hommes s'aiment ensemble. On n'a rien contre ça. Mais quand même, donc à cette époque-là, les spartiates jugeaient important de se marier aussi. Et donc, maintenant, nous avons au numéro 4 de ces cultures du mariage ou ces rituels du mariage qui sont bizarres et différents de culture en culture. On a les femmes qui pleurent pendant des semaines et des mois. Et oui, donc c'est entre autres ce qui arrive en Asie. Plutôt, on peut dire... En Afrique, entre autres. En Afrique, qu'est-ce que je dis là? En Asie, en Chine, plutôt. Une tradition millénaire qui a commencé, en fait, lorsqu'une princesse chinoise se mariait et sa mère s'est mise à pleurer pendant la cérémonie. Elle est même tombée sur ses genoux, ce qui, pour une reine chinoise, une mère de princesse, une impératrice plutôt chinoise, se mettre à genoux, c'est devenir comme un paysan. Là, c'est vraiment tomber de l'échelle sociale incroyable en Chine. Et donc, elle a pleuré. Elle pleurait très fort donc de voir sa fille partir plutôt. Et c'est devenu une tradition. Les autres gens l'ont fait. Elle dit « Ah, mais c'est... Ouais, ça a de l'allure. C'est comme on se rapproche de notre famille et tout. » Donc, environ un mois avant le mariage, la future mariée commence à pleurer et à des heures régulières, parfois toute la journée. Et ça s'amplifie de jour en jour et là, jusqu'à ce que la mère commence à pleurer. Même la grand-mère va se mêler à ce rituel, en fait, de pleurs à peu près un mois avant le mariage et un petit peu après, même pendant la cérémonie, généralement, la femme va également pleurer. Et tout est normal. C'est pas parce qu'on a choisi en fait la personne la plus stupide ou la plus laide du village, c'est tout simplement une tradition. Maintenant, numéro 3 de ces traditions de mariage les plus bizarres, là, vraiment, qui sont donc dans différentes cultures. Et il faut pas les juger. Ça a toute son origine en quelque part, mais quand même. Celle-là est assez bizarre. Ça ne vient de la France et on parle de boire du jus de poubelle pratiquement directement d'une toilette pour l'amour. Et oui, pourquoi est-ce qu'on fait ça vraiment? Généralement, lorsqu'on pense à la France, on pense au champagne, au chocolat, aux baguettes, à la bonne bouffe, au foie gras et tout ça. Mais là, on parle de boire quand même du jus dégueu dans des toilettes. Et ça, c'est pour l'amour. Eh bien, on dit que ça aide. C'est un peu comme un aphrodisiaque pour le couple. Et donc, ça aide, ça donne de l'énergie. Et en fait, cette énergie, c'est scientifique que pour faire du sexe, il faut avoir de l'énergie. Et ça aide un peu à réchauffer le couple et à donner de la substance demandée pour venir aider la vie sexuelle. Et ça, c'est en France quand même. Faudrait que je me renseigne auprès des Français, c'est une tradition qui se fait encore. Mais bref, ça se retrouve sur ce site cracked.com, bien sûr, qui nous donne les tops de l'insolite bien souvent. Et donc, c'est au numéro 3 de ces cultures. Ces cultures de mariage. Ou ces traditions de mariage, c'est bizarre de culture en culture, quand même, faut le dire. Hein? Et maintenant, on vous dit, emmenez simplement votre balai à un mariage. Et oui, donc, vous n'avez pas d'argent pour vous acheter une alliance, vous n'avez pas de certificat de naissance ou de décès, pas de décès, mais bref, et vous ne pouvez pas signer de déclaration de mariage, et bien emmenez tout simplement votre balai. Et oui, c'est ce que vous pouviez faire en Angleterre, donc aller jusqu'en 1753. Disons que vous êtes une femme, vous êtes en fait une femme de chambre en Angleterre, et que c'est votre journée de mariage, vous avez tout simplement emmené votre mop ou votre balai jusqu'à l'office du magistrat, bien sûr, qui va vous marier. Et vous et votre fiancé n'avez qu'à tenir le balai pour avoir les certaines cérémonies nécessaires au mariage, c'est-à-dire que le magistrat parle de l'amour éternel et que vous devez vous aimer. Et le balai sert un peu à la fois de témoin et de courroie de transmission de cet amour. Là. Il y a un contact des deux et donc c'est tellement cute et tout. Et bref, ça a été utilisé jusqu'à l'acte de mariage de 1753 en Angleterre. Et ce qu'on dit, en fait, c'est que les gens, on n'est pas nécessairement la trace de tout le monde en Angleterre. Il n'y avait pas de certificat, il n'y avait pas de d'anneau de mariage, il n'y avait pas de registration formelle pour les mariages, à part si on était dans la noblesse et donc les rois et les cours et les gens importants, les gens riches. Mais les gens normaux, on n'avait pas vraiment d'importance pour eux. Et donc, on n'avait vraiment pas besoin T'sais, vous savez, on n'avait pas besoin de tenir en note ces gens-là, de vraiment prendre en note ce qui est arrivé, de garder des traces de cela, puisque c'était des roturiers qui n'avaient pas vraiment d'importance. Et ça, c'est très dommage, mais c'est ce qui est arrivé à l'époque. Et donc, ce qu'on dit, en fait, à propos de ces trucs de mop, c'est qu'on peut dire que les gens se rencontraient dans un... Là, je veux dire une association de propriétaires de balais, c'est pas nécessairement ça. Ce qu'on parle plutôt d'une fête foraine qui a rapport avec les balais, donc les gens roturiers, vous savez, les gens d'une petite vertu. C'était un peu comme une rencontre, vous savez, un congrès pour les emplois, simplement où on engageait ses domestiques et tout ça. Et donc, les gens se rencontraient là et pouvaient se marier également, donc avec leur balai en main. Et nous avons maintenant en numéro 1 de ces tops de l'insolite, numéro 1 de culture du mariage les plus bizarres, donc les vraiment incroyablement bizarres. Je vais pas utiliser le mot vulgaire qu'eux utilisent sur crap.com, mais quand même. Donc nous avons un homme qui se déguise en femme pour faire le fou, et ça c'est planifié. En fait, ça nous vient de la Bulgarie de l'Ouest, en fait l'Ouest de la Bulgarie. C'est quelque chose qui arrive lors de tous les mariages, en fait, c'est qu'un oncle ou n'importe qui de la famille se déguise en femme, et ça c'est pour en fait attirer le mauvais œil sur lui plutôt que sur la mariée. Hein, c'est pas fou ça? Et comme lui n'est pas une femme, en fait le mauvais œil ça s'annule aussi. Donc, c'est tout le monde est gagnant, en fait. Donc, c'est toujours important à porter avec vous un oncle willing de s'habiller en femme, de se maquiller et tout. Donc, quelqu'un qui a des tendances transgenres, si on veut. On parle pas non plus de rire de personnes de transgenres ou quelque chose comme ça. Mais c'est une tradition qui est en Bulgarie. Probablement qu'on parle pas nécessairement non plus de mettre du maquillage, vraiment de rentrer dans le rôle, plutôt justement peut-être juste de porter une robe. Mais quand même, bref.